l'émission, c'est l'émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Jules. Et c'est parti pour le Planète Rap. Bienvenue dans Planète Rap entre 20h et 21h. Une nouvelle semaine qui débute avec le phénomène rap marseillais. Il est là dans le studio. Monsieur Jules, comment va? Alors, ça va ou quoi? Bah, et toi, ça fait plaisir de t'avoir. C'est ta première semaine dans Planète Rap. Voilà, pépère. Bien. De Marseille. Bah, j'ai vu, vous êtes venu avec un petit peu de provocation marseillaise. Enfin. Toujours. Voilà. Et petits, avec ma team Jules aussi. Des petites battes sur Vette, Chelsea, enfin, des maillots de l'OM, enfin. Comme à la maison, un petit peu, j'ai envie de dire. Comme à la zanzan. Bon, tout va bien? Ça va, tranquille. Alors, t'es venu avec qui? Présente-nous un petit peu. Alors, il y a toute ma dream team, là. Mmh. Alors, il y a Fabio. Fabio. Chico, mon frère. Ouais, le frangin. Il y a Sosomanes. Sosomanes. Aïe. De la Liga One. Sosomanes qui me rappelle une très belle anecdote de Marseille lors de mon dernier déplacement à Marseille. On peut en parler ou... Ah, bon, on en parlera tout à l'heure. On va prendre du temps. Après, il y a Kamikaze. Kamikaze qui est là. Voilà, rappeur de Liga One Industry aussi. Et il y a les deux potos là-bas, Biggie et Mex. Et bah, bienvenue à vous tous. La crise au mic. Et bienvenue à toi. Et puis t'as pas présenté celui que je connais bien aussi, qui est au platine. Mon frère. Il est là avec DJ Case aussi. DJ Case qu'on retrouve sur Skyrock, DJ officiel de Rail Suprême. Et avec Patch aussi. Et bah Patch, bienvenue. La famille Patch. On va présenter tout le monde. On va aussi te découvrir un petit peu parce que c'est vrai que t'es arrivé. Alors toi, est-ce que t'as eu le temps d'analyser un petit peu cet énorme carton avec ton album? Alors la vérité. Est-ce que t'as compris quelque chose? Parce que c'est vrai qu'il y avait un engouement. En tout cas, Case fait partie des gens qui m'ont parlé de tout en premier en disant ah, lui, il va tout arracher dès qu'il va sortir l'album. Il y a un gros buzz sur Marseille, un gros buzz sur la région, etc. Mais est-ce que t'as pris le temps toi d'analyser justement ce carton avec cet album? Non, je réalise pas encore en fait. C'est vrai? Non, je réalise pas du tout. Je vois pas que là j'ai fait 32 000 ventes, je crois, la semaine dernière, ils m'ont donné les chiffres. Je réalise pas encore. Et ça continue surtout, ça se maintient. Chaque semaine, ça se maintient. Ça fait un véritable carton. Je suis content. Pour cet album, donc content, heureux. Heureux, ouais. Plus qu'heureux même. Tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. Nous, on s'est replongé, on essaie de récupérer des sons que tu as fait, des sons qui ont marqué. Il y a une page YouTube, notamment la tienne, avec un des tout premiers sons que tu avais posté, c'était en novembre 2012, c'était celui-ci. Ça pour mes potes à la base, je pense à mes potes à la base. Et si tiens sur ton vie qui sert, peut te mettre sous contrôle judiciaire. Ouais, la vie c'est bizarre, tous mes potes me le disent. C'est un coup, fais le teaser, moi qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aimerais m'enduire loin de là, ici c'est rempli de lâche. J'ai plus le temps pour tes bêtises, cousin, moi je prends de l'âge. Wesh les potos, vous inquiétez pas, si un jour je pars, l'équipe, ne me regrettez pas. La vie c'est dur à en pleurer, comprends ta femme te remballe. Tu fais semblant que tu t'emballes, mais quand je parle d'elle, tu t'emballes. Pour elle, tu pars contre des paillots, si elle te bouge, tu tombes à l'eau. Pour elle, t'as coulé, poteau, tu mouilles même plus ton maillot. Pendant qu'elle dort la lambada, quand tu mets le shit dans l'emballage, tu sais que de toi elle s'en va l'être, mais toi pour elle sera terrasse. Tu sais que mes potos me diront, Jules, ça c'est bien parlé. Je répondrai, te casse pas la tête, déguste en mode Bob Marley. C'est donc bien toi, c'est bien le même Jules. J'ai trop laissé passer le temps. Ça c'est quoi? C'est un des morceaux que t'as fait il y a combien de temps? Il y a un petit moment. C'était posté en novembre 2012. Hein. Ouais, il y a deux ans. Deux ans? Ouais, un an et demi, deux ans. Et non, c'est pas le premier son c'est que, pas le premier son, que ouais. J'ai posté. Non, j'en ai posté bien avant, tu vois. C'est quoi un petit peu toi ton histoire? T'as commencé à rapper quand? Alors, j'étais au collège. Je commençais à rapper sur l'ordi du collège, tout ça. Après, j'ai commencé à m'acheter le matériel chez moi. Donc, toi-même, tu fais les sons? C'est ouais. Ça, tu t'enregistres? Moi-même, je fais les sons. Moi-même, je m'enregistre. Et voilà, je fais tout seul, je me suis fait tout seul, je me suis écouté le morceau. Et voilà, c'est la vérité. Donc c'est ça, ouais, ça passe vraiment côté autodidacte, c'est toi qui fais tout, t'apprends à te servir des machines. J'ai tout appris seul en plus. Voilà. T'as bossé avec un groupe aussi, Jules? Ouais, j'ai bossé avec mon groupe Ghetto Phenomène, qui va venir d'ailleurs cette semaine. Voilà. Et puis il y a des morceaux aussi qui a fait pas mal de vues, c'était celui-ci, ce remix. J'aime bien ce morceau. Ça fait 9-10 mois que t'avais posté ça à peu près. C'était un délire. J'aimais bien le son de Stromae, je voulais le refaire. D'ailleurs quand je le faisais en concert, il y avait le feu. Parce que t'as fait quoi? T'es passé aussi par beaucoup de concerts. T'as fait comment pour faire parler toi déjà sur la région marseillaise, sur la région Déjà avant l'album on a fait une petite tournée, tu vois. On avait loué un camping-car. On a fait à peu près un peu le sud de la France, tu vois. On a fait Toulouse, Perpignan, Nice, Alès, Nîmes, Arles, tout ça là, Avignon. Voilà, on a fait un peu tout le sud. Et voilà, après ça commençait à parler tout ça. Je voyais que les gens ils étaient chauds à chaque fois que j'allais dans le concert, c'est le feu. Mmh. Après je commence à faire le nord là un peu, tu vois. Mmh. Là, tu remontes tranquillement, petit à petit. Petit à petit on monte vers le nord. Là d'ailleurs vendredi je suis à Paris au White Dream. Mmh. Et voilà. Hein, donc c'est quoi, c'est aussi tourner pas mal de chicha, aller faire les tours un peu partout en fait. Voilà, j'ai commencé par les chichas en fait. Mmh. Là je commence un peu à faire les boîtes, tout ça, les boîtes de nuit, tout ça. Voilà, ça, je suis content, franchement. Bon parcours pour l'instant. Bon, ben on va continuer à parler de ton parcours, de la signature aussi sur le label Liga One Industrie, qui est une signature importante. On présentera aussi ceux qui sont avec toi, notamment Kamikaze qui fait partie de l'équipe. Et là, on débute avec le Dans ma paranoïa, c'est parti ? C'est parti. Allez, Jules, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h. Je suis dans ma paranoïa, je suis dans ma paranoïa, je suis dans ma paranoïa. Paranoïa, je suis dans ma paranoïa, je suis dans ma paranoïa, je suis dans ma paranoïa, paranoïa. Je suis dans ma paranoïa, paranoïaque. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Ami, ennemi, y'a un mot et calomnie. Et mon vie est pas le gros, ta drogue vient pas de Colombie. Changer. Dites-moi si je suis plus le même. Dis pas que tu veux me tester. Non mais attends là, what's your name? Je connais pas les femmes mais j'ai ce qu'elles veulent. C'est quand t'as rien que tu sais ce qu'elles veulent. Tu gamberges quand tu finis seul. Tu repars chez ta mère avec même pas 100 balles. Tu fais le dinder, tu coupes mal un kill. Tu fais le voleur, tu fais mal les fils. Tu fais le coinceur, tu connais mal les filles. Elles sont très très mal les filles. Je suis dans ma paranoïa, paranoïa. Laissez-moi sur ma route. J'ai pisté, c'est tout simplement que ta femme t'a mis au piquet. Ça y est, je suis vidé. Là, je t'écoute même plus. Je mets pas d'avis derrière moi. Je mets pas de pointure. En bruit, grosse pointure. Parking, coup de ceinture. C'est dur de se voir glisser quand le sol est en peinture. Je suis très bien guidé. Dis-moi qui je suis. Dis-moi si je fais des fautes. Des fois, je sais même plus qui suivre. Je suis dans ma paranoïa. Paranoïaque, laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Je suis dans ma paranoïa, paranoïaque. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Rien à foutre, je tente ma chance, je veux rentrer dans la légende. Je suis dans ma paranoïa, d'après ce que me disent les gens. Je calcule rien, je fais ma vie, je sais que rien n'est acquis. Mais je donne tout pour ma vie. Rien à foutre, je tente ma chance, je veux rentrer dans la. Ma paranoïa avec Jules, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h sur Skyrock, avec cet album qui est évidemment toujours dans les bacs, qu'on peut télécharger légalement. Je précise, allez cliquer. Voilà, c'est ça. Il est toujours en vente dans toute la France, dans les bacs, dans les Fnac. Donc voilà, merci à ceux qui me soutiennent. Il y a un gros soutien. Il y a un gros soutien évidemment. Il y a les poteaux qui sont là, qui soutiennent, qui ont toujours été derrière toi. Tu me disais d'ailleurs que tu as oublié de citer quelques prénoms aussi. Que voilà, tu me alors il y a Tota. Charlie, il y a Malik, Mortadon et Simo. Donc voilà, tout ça c'est la Dream Team Jules. En 2013, t'as signé avec Liga One Industrie. Ouais. Quel label où on retrouve aussi y a Black Marché notamment. Il y a Calif Hardcore. Calif de Black Marché, Calif Hardcore dessus. Voilà, un big up à lui, il est pas là. Toi, c'est passé comment en fait? Ils sont venus te chercher, tu les connaissais, c'est une histoire de. Et à la base, ouais, ils sont venus me chercher. Calif est venu me chercher. Après, j'ai fait la connaissance de Tota. Après c'est parti de là, Charlie et tout ça. Et voilà, maintenant on est dans le bain. Bon, c'est un travail en indépendant, faut aussi le signaler hein. Voilà, c'est un travail totalement indépendant. Ouais. Donc c'est pour ça ce que tu nous expliquais tout à l'heure, t'as loué le camping-car pour faire la tournée. Voilà, c'est aussi une façon de se dire bah voilà, on attend rien, on fait le boulot, on y va, on prend la route. Même si on se prend un mur, c'est pas grave. Toi, tu pensais quoi justement en commençant à rapper? Tu pensais pouvoir faire carrière? Ou t'es dans quel état d'esprit? C'est plus une passion à l'origine? Alors moi, au début, ouais, on va dire c'était une passion, tout ça. Après, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je travaillais tout ça, je travaillais dans la maçonnerie, tout ça. J'en pouvais plus, tu as vu. Et je faisais le son en même temps, tu vois, dès que je sortais du travail, je faisais le son, Et après, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais aller déterminer, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. On va se mettre dans le rap à fond, et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait tout seul, les instrus, les enregistrements de mon premier album. Et voilà, donc là, hein, cet album, tu l'as enregistré totalement à la maison, celui-ci? Non, ouais, à fond vert. Ouais. Dans le studio de la Liga One. De Liga One, ouais. Voilà, je l'ai enregistré là-bas, tout mon album. Toi, t'es de quel quartier marseillais? Alors, j'habite à Saint-Jean, la Puenta. Voilà, ça, c'est mon quartier, c'est dans le 5e, Marseille, la Timone. D'ailleurs, je les représente. Bah, un petit big up à mon quartier. Et de ton nom, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, c'est voilà. Quand on te suit, il y a marqué Joule, Saint-Jean-la-Pointe. Hein. Voilà, c'est ma page officielle, celle-là. Donc, ça, c'est le quartier. Voilà, ça, c'est le quartier. Après, à fond vert, là où j'enregistre avec la Liga One, tout ça. Voilà, le studio, il est là-bas. Tout se passe là-bas. Tout se passe là-bas et tout se passe plutôt bien pour l'instant. Tout se passe plutôt bien pour l'instant. Ouais. Donc tu as vu, il y a Total qui vient d'arriver, tu le citais, il est là, il est arrivé. Avec les gros yeux, Total. Toujours, ouais. Ça change pas. Bon, ce soir, on va écouter des morceaux, il y aura du live aussi tout à l'heure. Ouais, alors, enfin, un petit live. Nous, tu sais, chaque fois, on demande sur les réseaux sociaux, les pages de Planète Rap, que ce soit sur Facebook, Twitter, on demande quels sont vos sons préférés, surtout quand les albums sont sortis. En l'occurrence, c'est le cas, toi, ton album est dans les bacs depuis mois de février. 24 février, depuis, ouais. Depuis le 24 février. Et alors, le morceau qui a été le plus demandé aujourd'hui, c'est Sors le cross volé. Bon, c'est pas étonnant parce que c'est vrai que c'est un des morceaux, je suppose, pareil, quand tu le fais en concert, c'est un des trucs qui. Ouais, t'es obligé de le faire. C'est le feu. Même, c'est le son que je crois qu'il y a le plus de vues sur YouTube. C'est le son que quand je sors, j'entends ce son. Voilà, de partout où je vais, les gens, ils sont réceptifs à mort. Et ça me donne les frissons, je pense. Et ben on va frissonner tout de suite en écoutant le morceau, c'est parti. Allez. C'est extrait de ton projet qui est dans les bacs, Joule, notre invité toute la semaine. La crise au mic, mec. Même si la roue est voilée, pétard en billet violet, c'est un point de temps. Des habits, page vite violet, fond vert. Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée, dédicace à pétard en billet violet, c'est la crise au mic, mec. Page vite violet. Comme Calif, je suis hardcore, je démarre au carrefour. Moi, c'est Joule, c'est violent comme voir un quad à carrefour. Bouge ta tête, c'est le son qui t'emmène. Ok, t'as des histoires, ouais, mais qui s'en mêle. Qui se ramène quand y'a plus de 100 mecs. Je connais des vrais, je connais beaucoup de gens qui se la mettent. Le vache en moto, calage dans l'auto. Je pousserai au check, les flics prennent en photo. Toujours un petit état, ça va l'appel à local. Vida local, scooter volé dans le local. T'as trahi tout le monde, c'est pas le mec honnête. En plus, quand y'a un bruit, tu cours à l'allure d'une comète. Que des commères, rien que toi, Omer. Ils veulent pas nous aider alors. Niquez vos mères. Le temps passe vite, les petits volent si tôt. Marseille s'est cramé, vas-en en hélico. Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée. Pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée. Pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Fais pas le vito, l'honneur c'est vital. Calibre dans la viton, attentat lyrical. Tu vois les Schmitt, un rap vital. Tous les jours en panique comme celui qui ravitaille. J'arrive au sud sous pollen charge. Trop on change, les MC je vais m'en charger. Qu'est-ce que tu me dirais si demain je roule en lambeau? Ça a trop changé maintenant, c'est la voiture qui prend beau. Une bombe zambarque, en jogging ou en tarte. Des gaines pollen charge, les traites faut les charger. Un frère en dolly, mais en plus devant le parloir. Nique les matons, mets mon son dans le parleur. Fin de sur le palais, la juge t'a remballé. Faut récupérer le para, celui qui passe le palais. C'est tout le pilotage. Les rappeurs, je vais les chaler. Je vais les faire cabrer en faire toucher la chalet. Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée. Pétard, voilà la team Joule. Les habits, pas je vais violer. Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée. Pétard en billet violet. Te déshabille pas, je vais te violer. Pas le gros, tu vois pas, tu fais la guerre seul. Demande à Simon, on trouve le corps à la personne. Plein de personnes, on va parle de Dieu, je frissonne. Je peux savoir qui m'a trahi, mais pas quand mon heure sonne. La volaille circule à pied, les vendeurs sont mis sous trêve. Arrête de dire tu vends la source, on sait tout ce que tu sous-traites. Moi je rappe soupette, je te fais la soufflette. Sur l'encodeuse, prends le cash à Phuket. Fais gaffe si tu guettes, il te pète si tu gueules. J'aime pas mon rap, mais ta mère danse sur mon single. 1-3-5 c'est ma zone, faut me faire la jungle. Trouve un appart, fais pousser la purple. Tu vas faire une tête, pourquoi tu mets ton barbalé? Tu s'en fous des colis, mais tu chic dans cartable. Les gars, one, c'est la base, mais toi devant carton. On vient tout piller comme le campio Carlton. Oh les ben, j'arrive, c'est chaud les man. J'ai vu des filles en GMP, t'es déné, man. J'ai même plus si j'ai mal. Tu voles chez moi, je connais ma ville par cœur. Marseille, c'est chez moi, pas de pas blonde. Ça me le chameau, chez moi, c'est où je le pousse. Qu'est-ce que tu fais à un mot? Dans la malle, c'est ce coup, ça part qu'en 5 secondes. Mets les sacs à l'arrière et vas-y, let's go. C'est pas le Rambo, tu prends la testo. N'espère pas mourir tard, tu prends la cesto. Y'a trop de pauvres, très peu de riches. Il est fou ce monde, tout le monde a bourri. Tous bourrés, on va en Blu-ray. Y'a Tarpen Gadji mais c'est la même qu'on veut fourrer. Sors le gros volet, car même si la roue est voilée. Pétard en billet violet, te déshabille pas, j'vais te violer. Sors le gros volet, car même si la roue est voilée. Pétard en billet violet, te déshabille pas, j'vais te violer. J'vais te violer. 16 ans la pointe, j'vais te violer. Fond beurre, j'vais te violer. Pas, j'vais te violer. Team Jul, j'vais te violer. Number one, j'vais te violer. J'vais te violer. Te déshabille pas. Dans ma paranoïa depuis le 24 février dans les bacs. C'est extrait du projet de Jul qui est dans les bacs déjà et qu'on reçoit pour la première fois dans Planète Rap cette semaine entre 20h et 21h. Sort le cross volé. Je dirais que ça, c'est un morceau qui résume un petit peu ce que t'es. C'est des images chocs. Mmh. Dans le rap, c'est vrai que c'est des images chocs ce que tu dis. Voilà, te déshabille pas, je vais te violer. Sort le cross volé. Ouais. Et toi, l'écriture, c'est ça en fait. C'est témoigner de ce que tu peux ressentir au quotidien, de ce que tu vois au quotidien avec des phrases assez chocs comme ça. Voilà, comment tu traduirais toi ton écriture justement? Ben c'est ça, c'est tout ce que tu viens de dire en fait. J'essaie de décrire voilà ce que je vois au meilleur quoi. Mmh. Voilà. T'as conscience que parfois ça peut choquer des gens aussi? Peut-être, ouais. Après, comme je peux en choquer, comme je peux en faire aimer ou voilà. Mmh. Et c'est ça le l'idée globale de ton projet, ça, Jul, c'est de faire kiffer les gens, de voilà, leur montrer que je suis simple, que j'essaie de décrire ce que je vis et ce qu'ils vivent aussi, tu vois. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent ce que je vis. Mais toi, tu nous as dit un petit peu aussi, voilà, ta vie, entre guillemets, avant le rap, c'était plein de petits boulots. T'as été maçon, juste avant. Plein de petits boulots, entre guillemets. Entre guillemets. Ah, y a que eu ça. Y a que eu ça, ok. Donc, y a eu que la maçonnerie. Voilà. Ce qui est déjà pas mal aussi. Voilà, ouais. Et c'est le truc, voilà, tu te voyais pas continuer pendant plusieurs années, t'avais besoin d'une respiration. Ouais, après je me suis dit, je tente le tout pour le tout, ça marche pas. Je retournerai à la maçonnerie. Ouais, ou ailleurs. Ou, je sais pas, ou ailleurs. Ou ailleurs. Non, c'est fini la maçonnerie. Ah ouais, ça t'a cassé. J'ai mal au dos. Ça t'a bien cassé. Ah ouais. Bon, on écoutera d'autres extraits, tu vois, qu'on passe quoi ce soir du projet? Alors j'aimerais bien qu'on passe Winners et dans Mandel. Très bien, bah on écoutera ça dans un instant. Il y a eu un autre son en provenance de Marseille qui est arrivé aujourd'hui, c'est celui de Lacrime qui s'est classé directement numéro 1 des ventes. Je sais pas si t'as suivi, si t'as écouté. J'ai pas vu encore. Le morceau de Lacrime, on va l'écouter maintenant. Il y a Emery qui voulait passer tout à l'heure dans le 16-20. Le morceau est déjà numéro 1 des ventes single. Lacrime, c'est un retour qu'on attendait. Le morceau, c'est mon Glock de Métrage No et c'est ce qu'on écoute tout de suite dans Planète Rap. Une heure sur Skyrock. T'as pris des têtes, tu veux faire la guerre, rêve appelle l'arabe. C'est moi qui vais t'allumer ta race. Pourquoi sont-ils mauvais? Il faut les voyous mais sans lever. Je laisserai jamais partir en paix. Non, je prenais pas si mon B. Là, je suis sorti, ça part de là. Dédicace à lui, là, tous mes braves. Qui m'ont dit la trinque, la source, les traces. Récupère de la rue, mais rien de grave. Va donc t'enrayer ta soeur, la chaîne. Tout le monde des choses, c'est pas la rigène. Gros n'aura qu'une, c'est ça que j'aime. Et qu'est-ce que t'as tout carré, c'est sa chenèque. Ouais, ouais, je dédicace, je suis là, et piscine. Ouais, perpétrer des homicides. Ouais, tu peux garder toutes tes salopes. Rien à voir avec vos missiles. Ouais, on a les vrais bonhommes avec nous. Ouais, ce qui est juste brise avec vous. Ouais, tous les hommes meurent, mais peuvent vivre vraiment. Vous dites que qu'elle parle avec vous. Après, des têtes, tu veux faire la guerre. Cœur, on doit se mettre à genoux. Non, on doit se mettre à genoux. Mon gars te mettra à genoux. De trois promenades et tu croyais mort. Mon gars te mettra à genoux. Mon gars te mettra à genoux. Mon gars te mettra à genoux. Y'a pas de hasard, y'a le bord de rien. Mon gars te mettra à genoux. Mon gars te mettra à genoux. Mon gars te mettra à genoux. Je relève les comptes et tu vois des sous. Mon gars te mettra à genoux. Mon gars te mettra à genoux. Mon gars te mettra à genoux. Je vais pas dans le détail. Casque intégral, une grosse bécane. Bang bang bang, la crazy one. Pas diplomatie, j'suis une racaille. Eh ouais, à taille, regarde le drapeau. Couleur billet sans couleur drapeau. T'as fait sa bip, moi sans braco. T'as mis dans les hôtels de Monaco. Bref, ce sont tous des chiens qui aboient. Les gens leur niquent leur mère et y'a toi. Mon accord, j'aime d'être comme on fait par toi. Connard, je veux te voir te rendre à tes doigts. Écoute, t'es tes doigts. Raconte, c'est pas tard. Fais-moi le duo, j'attache au Qatar. On n'a pas de l'âge de faire des bagarres. Cousin, salut ta mère, je rentre au placard. Des chiffres, des chats, par moi. D'un d'eux qui me prennent pas trop par moi. Des milliers de têtes remplissent mon armoire. Les vrais qui me font que penser à moi. Je me suis haï que chez les faux. Je sors des taux, les ronds, j'ai les trop. Je fais sur la route et je roule sans rétro. Aimé par les pros, aimé par les gros. T'as pris des bêtes, je veux faire la guerre. Cœur, mon corps te mettra à genoux. Mon corps te mettra à genoux. Mon corps te mettra à genoux. Deux, trois promenades et tu me croyais mort. Mon corps te mettra à genoux. Mon corps te mettra à genoux. Mon corps te mettra à genoux. Y'a pas de hasard, y'a le pas de rien. Mon corps te mettra à genoux. Mon corps te mettra à genoux. Mon corps te mettra à genoux. Je relève les comptes et tu vois des sous. Mon corps te mettra à genoux. Mon corps te mettra à genoux. Mon corps te mettra à genoux. Bastos dans leur mer, ouais. Ça frappe, ça frappe, ça frappe. Bastos dans leur mer, ouais. Ça frappe, ça frappe, ça frappe. Bastos dans leur mer, ouais. Ça frappe, ça frappe, ça frappe. Bastos dans leur mer, ouais. Ça frappe, ça frappe, ça frappe. Bastos dans leur mer, ouais. Ça frappe, ça frappe, ça frappe. Bastos dans leur mer, ouais. Ça frappe, ça frappe, ça frappe. Bastos dans leur mer, ouais. Ça frappe, ça frappe, ça frappe. Bastos dans leur mer, ouais. Ça frappe, ça frappe, ça frappe. Voilà le retour de la crime à l'instant. Jules, t'avais pas écouté encore? Non, j'avais pas écouté. Bien, bien. Bien, mon Glock te mettra à genoux. Numéro 1 déjà sur iTunes, single. Le son de la crime qui était visiblement très attendu à la réalisation. Je crois que c'est Core qui est derrière pour les sons. Et c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Il y a un projet qui se prépare pour la crime. Ils sont en studio en ce moment. Ils bossent dur. Tout comme Jules qui a bossé dur pour la sortie de son album. Non? Dur? Oui. Simple. Ça, ouais. Pour enregistrer tout un album, faut t'en faire dur, hein. Faut faire des morceaux, beaucoup de morceaux. T'as enregistré faut beaucoup. Prier, ouais. Moi, il y en a certains que t'as balancé sur le net, d'autres que t'as même jeté, peut-être. Non, je les ai pas jetés, mais bon, je les ai pas. T'as pas gardé. Je les ai pas exploité, on va dire encore. On mettra. Je les enverrai. On mettra 4 titres dans un instant. Dans Mondel. Dans Mondel. Tu veux aussi présenter Kamikaze qui est là et qui fait partie de ton équipe, qui est sur le même label que toi. Voilà, il y a Kamikaze, il est en train de préparer aussi son album. Qui arrive lourd. Voilà. Ah ouais. Bah, petite présentation, vas-y, petit CV Express de Kamikaze. C'est Kamikaze, ça vient de Bariol, un 3. C'est j'ai compris en voyant le t-shirt que. Arles, non, je suis pas de Marseille, moi je suis à côté Arles en fait. Ouais. Voilà, et je suis sur le même label que Jules, avec Soso Mones aussi. Mmh. Bah, on va faire le tour aussi, Soso, tu veux te présenter aussi. Petit CV Express. Ouais, moi c'est Soso Mones de Front Vert, dernier recrute chez Liga One Industry. Et voilà quoi, on est là, on va mouiller le maillot. Bon, et vos projets sortent quand alors? Quand est-ce qu'on aura du son pour moi, franchement, vous deux? Je préfère pas encore donner de date, tu vois. Je préfère bien travailler comme il faut, tu vois. Soso, pareil? Ouais, moi aussi, je préfère donner du lourd, bien, prendre mon temps. Déjà, il y a Jules, on est derrière lui, on le soutient au max. Il a fait un album de folie. Et voilà, on va suivre juste derrière. Hein. Oui, moi, je peux vous dire, moi, j'ai écouté les sons de Kamikaze, de Soso. Et je peux vous dire qu'il y a du lourd qui arrive. Ça va péter. Bon, en tout cas, ils sont derrière toi, mais tout comme plein de monde, je vois la team Jules qui n'arrête pas de balancer des messages. C'est la team Jules, ça. Qui t'a mis en tété ce soir. Tu es déjà directement en tété, donc bravo. Avec le hashtag Jules sur Skyrock, va continuer à balancer des messages. Ils arrivent direct dans le studio, on peut pas tout lire, mais on en lit pas mal qui arrivent. Grand merci à ma team Jules. Ils sont là, merci à tous. Ils sont là derrière, en tout cas, la team Jules. Ils suivent. Et dans un instant, on balancera un morceau de Jules. Bougez pas, on est de retour. Il y aura du live aussi à pas louper en fin d'émission. Et puis, la petite question pour repartir avec l'album dédicacé. C'est simple, on en a parlé en début d'émission. Donc, faut bien sûr, à chaque fois, entre 20 et 21. Ouais. Quel est le nom du groupe que t'as cité tout à l'heure et avec qui t'as débuté aussi le rap, avec qui tu fais partie, ton groupe qui viendra d'ailleurs dans la semaine? Voilà. Non, on va pas dire tout de suite la réponse. D'accord. C'est à vous de nous donner la réponse. Quel est le nom du groupe de Jules? 41759. Le hashtag Jules sur Skyrock et vous repartez avec l'album dédicacé. Tous les soirs sur Skyrock. Avec un son de Jules dans mon DEL maintenant sur Skyrock, c'est extrait de son album qui est dans les bacs. Regarde comment on déboule. Regarde comment on déboule. T'as heure collé aux boules. T'as reconnu, sous la cagoule c'est Jules. Mais pas trop le feu, ça sent le poulet. Poulet. Le ciel est bleu, mais je suis cagoulé. Poulet. Et je n'ai que ta 40 dans la foulée. Vous êtes tous des guerres foulés. Oh Dieu que ça sent la crise quand même. Les flics te fouillent, te disent le compte ta mère. Mais pourquoi j'suis pas sur une onde d'amère? Rien à faire et on s'en fume à l'air. Arrête de dire non, tout le monde t'a reconnu. Putain t'étais pas comme ça quand j't'ai connu. En ce moment j'vois le buzz mais j'essaie de garder ma tête. Tu me parles de gros brinks, t'as fait que des popettes. Tu me parles de viton, t'es encore en fila. Quand tu restes à l'ancienne comme le mot fila. Tu laisses les cheveux longs genre la mode italienne. En bas de chez toi t'as garé le Cayenne. J'avais pas compris pourquoi j'avais taillé. Casque intégral tu t'es dit ça y est. Sans pas stresser j'ai vu ta mère tout à l'heure. T'inquiète le pactage te l'envoie à l'heure. Y'en a qu'une que j'aime forcément maman. Tu crois que t'es le plus fort que maman. Et je savais j'allais te sauver. Désolé mais au bitch je me suis collé. On n'est pas des voyous ni des toxicos. Gros mytho où il est ton hélico. Tête de Corsico je traîne avec. Ça veut en parler, parler. Faites péter, nous on s'en parler. Buvette, fumette, un plan arrive en survette. Soufflette, on est là pour ton cul, pourquoi tu rouses, bête. Putain, je me lève, je sors, y'a tigain. Prends ta survette, maman la tigain. J'suis tranquille, j'suis cool, mais faut pas me berner. J'écoute tes méchants, mais j'peux pas cerner. Ça coule le sang, faut les internes. Fermez vos gueules, j'avais cerné au studio, les yeux presque fermés. C'est pas mon dernier sang, alors le sang. T'oublies, tu vis, tu perds tes os. Suffit d'un coup gros pour faire des gosses. Suffit de faire le fou pour se prendre un coup de trop. J'ai pas la carrure Lil Wayne ni l'ancienne Harry Cross. Au sud d'enfant, je suis calé. Sur les schmitts, ça jette des galets. Ça sert à rien de parler. Allez, jette-moi là, mais je vais te chaler. Fais tes boys, mais faut pas chialer. Quand t'allais pas, moi j'allais. Ça met la scène sans jarret. Avant le bravo, ça fait la boule à Z comme j'allais. J'ai avé la honte au palais. Tu vas rentrer la puce au palais. Que tu rentres mais tu fais rien de ta bête. Fume, ma caisson est gravée sur la plaquette. Je vais pas finir au chantier, t'as fait dans le placo. J'ai entendu que les civils veulent ta peau. J'ai branché des femmes, j'ai mangé des râteaux. En fait tu voulais rentrer avec nous c'est pas go. J'suis pas trop bord de mer, caviar et pas go. Vodka, air, bon détour de ta go. J'ai branché des femmes, j'ai mangé des râteaux. En fait tu voulais rentrer avec nous c'est pas go. J'suis pas trop bord de mer, caviar et pas go. Vodka, air, bon détour de ta go. Je veux jusqu'au cul, j'suis plus de délincé. Je regarde ta femme, man, faut pas te vexer. Tambourine, belle souris. Je me fais passer partout comme une petite souris. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. C'est la crise au mic, mec. Depuis le 24 février, dans ma paranoïa, dans les bacs. Un gros big up à ma team Jules. Jules, notre invité toute la semaine, entre 20h et 21h, dans ma paranoïa. C'est le projet qui est en effet dans les bacs depuis le 24 février dernier. Avec dans mon DEL, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. On va mettre aussi le morceau dans quelques minutes. Ouais, Winners. Winners. Ouais. Très bien. C'est l'intro de l'album. Mm-hmm. Voilà, c'est un son qui me plaît. Un peu terre-terre. Voilà. Et bon, on va l'écouter dans un instant, bougez pas. Juste avant, par téléphone, on est avec Marionnette de Paris. Salut Marionnette. Bien quoi la famille? Et toi? C'est tranquille. Tu connais Jules? Big up à Jules. C'est notre invité toute la semaine. Bien ou quoi, Jules? Bien ou quoi? Tranquille, hein. C'est bien les ventes et tout. Hein. Franchement, t'as pété le score, mec. Ah ouais. Merci, c'est pour plaisir. Et bah, toi, on te souhaite aussi la même chose, Marionnette. Ah, merci, c'est gentil. On va déjà t'écouter freestyle. C'est parti, session freestyle par téléphone? Yeah. Yeah. Ok, yeah. C'est la marionnette, hein. Check. C'est la marionnette, hein. Ok, ma carte de prix, je l'ai prise, les yeux pris, si regarde leur comme un score, puis on t'a les cité, je tape fort comme Djibril Cissé, je vais te faire kiffer, sur le terrain, je suis déjà qualifié, tu zineras ta fin quand l'arbitre va siffler, barbé. Trop de pompes que j'ai désarmé, je suis cramé, dès la naissance, je les ai tous remballés, des débats. C'est le bourgeois du dollar, c'est la haine, c'est Dakar, c'est trop tard pour Antonin, t'es d'accord. Représente tous ceux qui n'ont pas d'or, Narmol. Fatigué de voir que tes beaux bonhommes, c'est tes bas. H24, c'est le mitard, on dort jamais en vita. La dalle monte en l'air, c'est le prix des armes, 22. 1-2-1-2, je roule mon 22, j'ai pas de taf. Je m'en bats les couilles de faire des fautes d'orthographe. Je veux César, prendre mon bis, partir sans baccalauréat. Au Seychelles, je serai zona, je cracherai des gros molas. 22, 1, ok. Ok. Marionnette à l'instant, freestyle, bravo à toi Marionnette. Bien. Merci Jules. On peut te retrouver sur le net quelque part. Ouais, tapez Marionnette sur YouTube. Il y a tous mes freestyles et tout. Là, j'arrive avec du lourd. Tu viens d'où? Voilà quoi. Tu viens d'où Marionnette? Je viens de Paris. Paris, ah, ça va, bien. Si, merci frère. Et bah, bon courage pour la suite. T'as 2-3 dédicaces à passer, Marionnette? Ouais, dédicace à tous les mecs de Paris qui soutiennent tous les rappeurs. Dédicace à mon frère Guillaume qui fait mes clips, qui me soutient depuis le début. Voilà. Et bah, bon courage à vous et bonne chance à toi, Marionnette. Merci, bonne continuation à Jules. Ouais, Jules, merci. Et là, tous les soirs de la semaine entre 20 et 21, on avait dit qu'on passait Winner juste avant le live. C'est bon, on le balance? Allez, hein. Allez, c'est parti, Winner, tout de suite sur Skyrock. Dédicace à Barabas, j'ai la lune. 10 ans que je suis dans le rap, je me suis pas surpassé. T'inquiète, je baisse les yeux si je vois ta surpasser. Ça roule des joints assez, histoire d'oublier le passé. J'ai trop le cœur cassé, j'oublie mon ex, je vais chasser. L'avenir du rap, c'est moi, je vais tous les chasser. Trop pétard fait raser, j'aime les belles femmes toutes rasées. T'as reconnu le phrasé, en buvette tout gazé. Je rêve d'une Angelina, de bouger, de me caser. Génération mort, le fuck, comment t'as dans subi l'époque. En direct de fond vert, je me réveille aux gens d'époque. 2013, je vous choque, malin, ma dé vous met en cloque. Arrête ton rap, c'est du toc, j'ai plein de fusées en stock. J'ai connu la galère. Pas un pour aller voir une folle, pas un pour mettre ma TN ou mettre bien un frère en tol. Pour mes 15 ans qui font cracher le jogging. Pour un reste dans la cage, I'm joking, Jules of the King. Même si mon seul ring, fais pas de choses dans la boîte, ça va se finir sur le parking. Tu fais doubler mes parkies, homme jacking, moto Vescati. En plus, ça frappe comme Jackie, on veut le boule à chaque qui. Des millions et pas de beau. Tu veux te faire ma craque alors avec moi, c'est pas le beau. Liga One, c'est la base, tu sais qui c'est le winner. Balayé à toi, je vais glisser à la petite Riner. Un dos videur, qui ça joue maintenant. J'suis faible comme chaque homme, j'me vache sous vache au hachis. J'suis que les flics sont cachés, veulent faire de l'envie du gâchis. Comme les potos cachos, tout seul en crise à attendre un repas chaud. Ce soir j'suis fâché, j'fais du sang antifacho. À salon de l'huile, à fleurie, prison pourrie. Y'a de la haine qui se cache derrière le sourire. Fais pas de sourire sur toi, y'a tous les yeux de la cité. Reste pas à toi si t'as braqué par nécessité. Des couilles citées, pas un bouton qui se fait inciter. J'suis venu péter le rap, là j'suis venu le recycler. Ça lève un cyclo, charbonne même sous cyclone. Ça se contente pas de pétard, non, ça gratte cyclope. Ça roule sans permis parce qu'au code de t'as fait siphone. J't'arrache ton jardel, si devant moi tu tripotes. Tout a écalifla à mon épaule. Sur son manès, la nouvelle école. Comme mes cases de bariole. C'est la crise au mic, mec. Une petite dédicace à Badis, Tifleur, Ibrahim. C'est la crise au mic, mec. Une petite pensée aux frères enfermés. Baumette, Luine, Salon, Ponté, Fleury. C'est la crise au mic, mec. Jules, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h. Jules, si tu es prêt maintenant, nous allons passer à une partie importante de l'émission, c'est le live. Allez, on prêt ça. DJ Case est au platine. C'est quand vous voulez. C'est la crise au mic, mec. C'est un son anti-traite, anti-balance, anti-salope, anti-BDH, anti-crave, anti-flic qui mérite des calottes. Calez-vous un doigt, y'en a marche sur les nerfs, tout va pour le mieux. Se rappeler pour faire pleurer nos mères, viens voir où on erre.

et s'éduquent. Les putes s'éduquent. Mon bouquin passé du comédon, j'ai trop vu que tu me prends pour un truc. Et j'ai entendu que tu te prenais pour Hulk, mais tu te prenais des nuques. À qui paraît que tu vis mal, tu tires, mais tu vises mal. Tu connais la devise, tu trahis plus la bise, man. Je vis, je vois, je viens d'en bas, t'es comme droit, j'ai pas le droit de fouler quoi. Qu'on se rassemble ou qu'on se dissout. J'y repense quand je désoule. Plus le temps, je veux des sous, là j'suis soutif. Miss, cache des barrettes sous le soutif. Anti-pouki, couteau ou pote, tu me fais le rookie. Oh, ok, man, je viens vous choquer là. Faut pas le propre, tu me laisses des chats. À la junkera, viens pas nous pomper là. Je suis anti-BDH, du genre tu pompes l'autre. C'est la crise au mic, mec. En direct de Skyrock, une dédicace à ma team Joule. Joule, à l'instant, en live dans Planète Rap entre 20h et 21h sur Skyrock. Joule, c'est notre invité. Ça va? Qu'est-ce qui se passe, Joule? Qu'est-ce qui se passe? Non. Wesh. C'est la crise au mic. C'est la crise au mic, voilà. Avec petit toi, live. Entre 20h et 21h, ouais, vas-y. Je vais vous dire que pendant tous les soirs de la semaine, là, je vais faire un live à chaque fois, tu as vu. Après, quand il y aura Ghetto Phénomène, pareil, on va faire un petit live. Et à la fin, on va essayer d'envoyer la patate avec le freestyle pendant. On va essayer de plus sacrer. De quoi, vendredi? Ouais. C'est ça? Ouais. Grosse soirée freestyle? Grosse soirée freestyle, j'annonce. Bon, avec peut-être les invités qui sont là aussi, qu'on retrouvera. Avec Kamikaze, Sosomanes et toute l'équipe, quoi. Ils seront là en live. T'as répondu à la question tout à l'heure, j'ai posé une question. Quel est le nom de ton groupe? C'est. Ghetto Phénomène. Ghetto Phénomène. Mon ancien groupe. Ton ancien groupe. Et la bonne réponse est arrivée. Et là où l'une d'entre vous repart avec son CD dédicacé de Joule. On va finir avec un dernier morceau. Tu veux qu'on mette quoi comme titre, Joule? Si vous pouvez mettre Joubitou. Eh ben, on va mettre Joubitou. Très bien. Et juste un petit mot aussi, puisque là aujourd'hui on était sur la première, on a fait connaissance avec toi. Ouais. Les références rapologiques de Joule, qu'est-ce que t'as beaucoup écouté toi, plus jeune, plus minot, comme on dit du côté de Marseille? Alors moi j'ai écouté Laura Luciano. Luciano, ouais. Voilà, c'est tout. C'est parti des grosses références marseillaises, mais sinon des sons ricains ou non? Ouais, ricains, j'écoute Mick Mill, Futur. Toute cette nouvelle génération, ouais, que ce soit Futur. Voilà, ouais. Et bah, pouvoir découvrir aussi encore toute la semaine ce que t'aimes bien de Joule, c'est entre 20h et 21h. Et on finit avec ce morceau juste avant de faire tourner la roulette où il y a chopé l'album Planète Rap 2014 qui vient de sortir, où on retrouve en exclu d'ailleurs ton morceau Dans ma paranoïa. Le morceau de Joule, on fera tourner d'ici quelques minutes, 41759 pour les inscriptions. cherche mon chemin, je fais des une petite dédicace à Abed Osmani de Bois d'Arcy, à Sauvage de Sartrouville et à la ville de Souciambri. Dédicace à Soussou, à Sabrina et Lisa. C'est la crise au mic, mec. Ce soir j'oublie tout, cherche-moi, j'fais des vidéos. À tous les frères ou beaux maîtres, Asdine, Amada, Wassim, Agile, Alouine, Barabas, Rachid, Rachid, Rachid Rémania, Rémania, Rachid, on t'a pas oublié, gros, t'inquiète pas. Une dédicace à tout fond vert, Roussine, Iliès, toute l'équipe, l'équipe de la Chicha, à Simon, Mortadon, Maliko. Amaligawan, Amatim Djoul, un gros merci à vous, je vois les messages de là. La crise au mic, mec. Le long, la boco. Le long, la boco. T'as rien que par le tabac piquant. Chez Taïf. La lime. La lime à fond vert, la chicha. Voilà, de toute façon, il y a que des dédicaces, on a toute la semaine, les gars. On a l'oublié, mais. Voilà, ça, après ça va venir tous. Une petite dédicace à Serge à la pointe, hein. Aux mecs de la place qui se mettent de longue en buvette. Arrêtez un peu. C'est la crise au mic, mec. Joule, notre oui. Invité toute la semaine entre 20h et 21h avec un extrait de l'album Dans ma paranoïa qui est dans les bacs qu'on peut télécharger légalement, l'album de Joule. Et on est fait dédicace toute la semaine, on a le temps les gars. Toute la semaine, on va pouvoir passer des dédicaces entre 20h et 21h. Vendredi, tu nous as promis un gros live, un gros freestyle. Ça commence à s'agiter, les gens qui disent ouais, tu vas tenir pendant une heure, qu'est-ce qui va se passer. Rendez-vous tous les soirs de la semaine et rendez-vous vendredi aussi entre 20 et 21 pour le Planet Rap de Joule. Qu'est-ce qui se passe, Tota? Je vais t'approcher du micro. Ouais, ma fille Doudou et ma femme Valérie que j'aime. Voilà. Ah. Allez. Tu as raison de revenir. Tu as raison de revenir pour ça. Kaina aussi, ouais, je connais pas. Juste avant de se quitter, on va faire tourner la roulette. Joule, un petit point aussi. Donc toi, t'as des dates de concert là. Il y a vendredi aussi du côté de Paris. Vendredi, voilà, White Dream à Paris. Après, il y a dimanche le 20 au Bazar à Marseille. Ouais. Et après, voilà. Eh ben très bien, ben, on suivra aussi cette semaine les différentes dates que tu pourras filer. Là on fait tourner la roulette, c'est parti. Pour faire gagner ton iPad mini, les places de ciné babysitting, plus ta compile Planet Rap 2014. T'as Célia La Rochelle. Allô allô, oui ça allô, va, allô. Ça va et vous? Bah ouais, tu connais Joule? Ouais, je connais bien. Et ben voilà, c'est notre ami. On écoute nous aussi à La Rochelle. Ah ben, j'espère bien. Voilà, La Rochelle, connecté avec Marseille entre 20 et 21. Avec Joule, Célia, on fait tourner la roulette, c'est parti. Il y a plein de cadeaux, il y a des albums Planet Rap 2014 avec la clé USB logotisée Planet Rap. Ça c'est le gros carton ça, franchement. Stop. Il y a les places pour aller mater Babysitting aussi qui défonce ce film, franchement ça sort mercredi, loupez pas. Ouais, j'ai... Avec toute l'équipe de la bande à Fifi et Célia pour toi, bah, c'est l'album, la clé USB et les places de ciné pour Babysitting. On t'envoie tout ça du côté de La Rochelle. Merci, c'est super gentil, je suis super contente. Petit dédicace, petit message à passer. Ouais, bah je fais une dédicace à mon beau-frère Maxime, à ma mère qui m'écoute et à mon chéri qui est dans la voiture. Et bah bisous à toute la famille. Ciao Célia. Ciao. Ciao. Nous on va revenir demain entre 20 et 21. Merci Joule. Merci à vous. Ça va, tout se passe bien? Ouais, ça va. L'exercice, la promo et tout, ça va? C'est pas trop dur, pas trop compliqué? Non, ça va. Non. Tu as le coup pour l'instant. Bon. Non. J'espère que tu vas tenir le coup toute la semaine puisque tous les soirs t'es là entre 20 et 21. Juste avant de retrouver la radio libre de Difool. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est connecté? Connecté. Ah, Samy, j'entends ta voix. Ah, heureusement que je suis là. Ah, bah, c'est le Marseillais qui ouvre le bal ce soir. C'est lui qui ouvre le bal ce soir. Eh oui, le Marseillais de l'équipe. Est-ce que tu as vu, Samy, la petite provocation de Joule? Non, ah oui, le survêt. Le bat survêt, ouais, Chelsea. Il a bien raison. Très classe pour bien débuter cette semaine. Mais la semaine dernière, on nous avait dit qu'à Marseille. Ouais, boutique de l'OM, la boutique de l'OM, ils vendent dans la vitrine, ils avaient mis le survêt de Chelsea. Eh bah, écoutez, ça marchait. Voilà. La preuve en image. Voilà, la preuve dans Planet Rap. Et vous avez préparé la chicha aujourd'hui ou pas? Non. Ah. On n'a pas de Joule. Non, j'ai pas de chicha, non. Pas de chicha. Dans la semaine. Non, pas ce soir. Bon, on a jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi pour te retrouver, Joule, dans Planet Rap. À pas louper, puis tu passeras nous voir dans la semaine, Joule, dans la radio libre. Y'a pas de souci. Eh oui, on t'attend là. Toute l'équipe t'attend avec impatience. Tous les auditeurs t'attendent aussi. Exact. 20h, 21h en tout cas, le rendez-vous. Il est pris pour demain, Joule, dans Planet Rap. et Fredo évidemment dans Planète de retour. Mais sans d'habitude, c'est l'invité permanent. Ben oui, c'est ça. C'est chez lui en fait. Oui, j'ai pas vu ça comme ça, mais c'est vrai. C'est un peu ta maison. C'est ça, c'est la maison. Demain soir, 20h, juste avant 20h, Jules est là dans un. On retrouvera Jules d'ailleurs entre 21h et minuit. On écoutera ton son, Jules. Et puis dans la semaine dans l'émission. Et puis vous toutes, c'est parti. 01 53 40 30 20. Vous nous appelez. Faites péter les messages sur tous les réseaux sociaux, sur le 41 759, pour qu'ils arrivent directement dans le studio. Les Happy Skyrock arrivent directement ici aussi. Vous nous faites péter tout ça. Puis on vous retrouve dans un instant en direct sur Skyrock jusqu'à minuit pour la grande radio libre qui démarre la première de la semaine. On est prêt. Coup d'envoi. Eh ben coup d'envoi dans un instant. Merci Bruno. Merci Jules. Maintenant. Ah bah oui, je suis là. Ça va mieux depuis ce matin? Mal au ventre. Ouais, on t'a laissé ce matin, t'as dû abandonner l'antenne. Ah oui, très rapidement. À 9h12, Romano est parti tel une fusée direction les toilettes. Il est possible d'aller plus de tombe ce soir. Ah bah écoute, zone sinistrée à éviter votre studio quoi aujourd'hui.